cherché à savoir ce qui se passe chez nous. Pourquoi chercher à savoir ce qui se passe chez nous? Pourquoi tu passes ton temps à écouter les autres? T'en fous de leur vie, pourquoi raconter la nôtre? Les soi-disant copines ne voulaient pas de nous. Donc pour que ça se finisse, sache qu'elles feront tout. Mais tu veux pas m'écouter, toi tu restes en tête. Elle sourit, genre je peux parier quitte à finir en tête. On fait confiance à ton bébé, pas là pour t'embêter. Le temps c'est toi et moi, laisse-les pas gérer notre météo. Pourquoi chercher à savoir ce qui se passe chez nous? Pourquoi chercher à savoir ce qui se passe chez nous? Pourquoi tout ce qui sort de ma bouche, baby, garde-le pour toi. Si je demande, dis-leur pourquoi. Si je demande, dis-leur pourquoi. Elles te diront que je ne suis pas celui qui te vend. C'est parce qu'elles n'ont toujours pas eu celui qui leur vend. T'es la seule femme du groupe heureux, ça les dérange. Elles sont curieuses, veulent tout savoir, ça les démange. Ah là là, mon bébé, si tu savais tout ce qu'elles pensaient, tu y serais dépassé. Toujours les mêmes questions, est-ce qu'il est fidèle? Tu lui fais confiance, qu'est-ce qu'il fait quand t'es pas là? Pourquoi chercher à savoir ce qui se passe chez nous? Pourquoi chercher à savoir ce qui se passe chez nous? Elle veut tout savoir. Pourquoi tout ce qui sort de ma bouche, baby, garde-le pour toi. Si elle te demande, dis-leur pourquoi. Si elle te demande, dis-leur pourquoi. Il n'y a que toi, le reste, je m'en fous. Bah oui. Ne leur dis pas ce qui se passe entre nous. Jamais. Elle nous a envie, mais elle le nie. Elle nous envie, mais elle nie. Ne leur dis pas ce qui se passe entre nous. Jamais. Il n'y a que toi, le reste, je m'en fous. Elle nous envie, mais elle nie. Elle nous envie, mais elle nie. Pourquoi chercher à savoir ce qui